Et bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémozo 107 FM. Nous sommes le lundi 17 janvier 2022, c'est Chris, vous êtes dans votre émission Fréquence Libre et pour cette nouvelle édition, je reçois dans nos locaux à Saint-Étienne les Remiremont, Aurélie et Nathalie de Illico Perso qui sont là pour nous parler de Illico Perso et de l'entreprise et de tout ce qu'elles font. Voilà, donc bonjour à toutes les deux. Bonjour Chris. Comment ça va? Impeccable. Très bien. Parfait. Donc... Nos auditrices et auditeurs sont habitués. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter en quelques mots à tour de rôle? Eh ben moi, du coup, c'est Aurélie. Je suis la graphiste, l'artiste, on va dire, du groupe. Voilà. D'accord. Moi, je suis Nathalie. Je suis plutôt responsable du côté administratif de l'entreprise. D'accord. On est en fait co-gérantes toutes les deux de l'entreprise. Avec Romain, mon époux, d'accord. Qui est salarié. Nous avons aussi depuis quelque temps Sophie qui est venue compléter l'équipe. Et on a aussi cette année une apprentie en web design. D'accord, donc justement Romain qui n'est pas là aujourd'hui, mais avec qui vous travaillez du coup à Illico Perso. Voilà. Donc bien que nous allons en parler durant toute cette heure d'émission, pouvez-vous présenter en quelques mots toujours et de manière générale ce qu'est Illico Perso? Alors Illico Perso, à la base, c'était une entreprise de marquage de textiles. D'accord. Orientée sur la broderie et au fil des demandes des clients, on a dû s'adapter, investir dans du matériel pour pouvoir proposer autre chose. Et au jour d'aujourd'hui, donc après plus de 10 ans d'existence, on arrive à fournir de la carte de visite jusqu'au marquage sur le véhicule. Tout ce qui est banderole publicitaire, enseigne, les goodies et toujours le textile. D'accord. Que justement, en faisant mes recherches en préparant cette émission, j'ai vu que vous décorez, entre guillemets, même les avions. Oui, effectivement, oui. En fait, on s'adapte à chaque demande. Ça peut être plus ou moins farfelu. Et c'est vrai que on aime bien, en fait. On essaye de toujours dire oui à tout et on surpasse, on cherche des solutions. Et voilà. Du coup, on a été amené à floquer un avion. Voilà. Personnalisé en fait à la demande. Voilà, on parlera de toutes les créations que vous faites du coup tout au long de cette émission. Et est-ce que du coup, à travers ce mot, ce nom Illico Perso, il y a un certain jeu de mots avec l'expression Illico Presto? C'était un petit peu l'idée de base. Ok. La réactivité. Alors bon, je vous cache pas que maintenant, en ayant augmenter notre capacité de travail, c'est pas toujours possible. Là, en plus, depuis le Covid, on a des soucis d'approvisionnement, comme beaucoup de sociétés, malheureusement. Mais on essaye toujours de répondre favorablement à la demande des clients et de trouver le produit qui sera le plus adapté à leur demande. Mmh. Et donc, justement, pourquoi ce nom Illico Perso? Pourquoi pas? Oui, aussi. Ouais, c'était un petit peu l'idée de départ. Quand on a commencé, on était vraiment axé sur la personnalisation. D'accord. On faisait autant de particuliers que d'entreprises. Donc, il fallait quand même un nom qui parle à tout le monde et qui soit un peu général. Et puis, c'est sympa, c'est facile à dire et ça nous correspond bien. C'est dynamique. On aime bien les jeux de mots, nous. J'ai cru comprendre en faisant mes recherches, du coup, en préparant cette émission. Donc, du coup, comme vous l'avez dit, quand vous vous êtes présenté, Aurélie, vous êtes l'artiste de la bande. Mm-hmm. Voilà. Vous, c'est, Nathalie, c'est plus le côté administratif. Mm-hmm. Et du coup, votre époux, Romain, c'est plus le côté machine à coudre. C'est ça. Voilà. Alors, si vous dites ça dans lui, il ne va peut-être pas aimer. Pardon. Non, je plaisante. Oui, en fait, lui, il est plutôt programmeur sur les programmes de broderie et sur la production. D'accord, ok. Et depuis combien de temps existe l'entreprise? Alors, l'histoire de l'entreprise a commencé en 2007. C'était moi, en fait, en entreprise individuelle. D'accord. Et au fur et à mesure du temps, en fait, on a commencé à vouloir devenir un petit peu plus grand. Et il y a Aurélie qui a intégré l'entreprise qui s'appelait à l'époque Planète Broderie. D'accord. En tant que stagiaire, et puis elle a su se rendre indispensable. Donc on a trouvé la solution idéale pour pouvoir la garder avec nous. C'était l'association pour pouvoir emmener du capital et pouvoir réinvestir dans du matériel. Et c'est en 2012, et c'est là qu'on a vraiment démarré Illico Perso. D'accord, donc justement, j'allais demander comment vous vous êtes rencontrés du coup avec Romain et tous les trois, en fait, bah, du coup, j'ai ma réponse, donc je n'ai pas posé la question. Et du coup, en faisant mes recherches, en préparant cette émission, j'ai eu l'occasion de lire sur votre site internet, donc https://illico-perso.fr. Je cite, nous ne sommes pas une simple agence de communication. Chez Illico Perso, on s'adapte complètement à vos besoins, à vos envies. Fin de citation. Donc, comme vous le disiez, Nathalie, du coup, est-ce que ça veut dire que vos clientes et vos clients peuvent vous demander un peu tout ce qui leur passe par la tête, plus ou moins dans la limite du raisonnable, bien sûr? Oui, c'est ça, dans la limite du raisonnable, dans la limite du légal aussi. Aussi. Voilà. Et oui, après, bon, il faut que ce soit techniquement possible. Mm-hmm. Sinon, on essaye effectivement, dans la mesure du possible, de répondre favorablement. D'accord. Et donc, dans la limite du légal, on ne va pas citer de nom, mais est-ce que vous avez déjà eu des demandes un peu farfelues, un peu, bah, du coup, qui, oui, bien sûr, avec le légal? Oui, régulièrement, mm-hmm. Oui. Ah, carrément. Oui, oui, on nous demande de floquer des marques sur des vêtements, des choses comme ça, mais bon. Ah. Ouais, du plagiat un petit peu. Mais ça, c'est. Ouais, toute bonne entreprise qui se respecte ne va pas faire ça, voilà, parce que comme vous venez de le dire, Aurélie, c'est du plagiat, et le plagiat, je crois que c'est condamnable peut-être. Oui, je pense. Donc, ouais, voilà. Tout à fait. Comme dans le milieu du livre, les droits d'auteur, etc., etc. Voilà. Et en plus, sur votre site internet, vous rajoutez que vous travaillez dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Donc, est-ce que justement ces côtés joyeux et bonne humeur sont importants pour vous? Et si oui, à quel niveau? Ah oui. Moi, je pense que les gens, ils le ressentent. En fait, on a toujours la porte ouverte. On est toujours positif. En fait, c'est ça aussi qui nous lie tous les trois. Enfin, tous les quatre, tous les cinq, en fait, on essaie toujours d'amener un peu de positivité dans tout ce qu'on fait. Voilà. Voilà. Après, c'est plus au niveau de l'accueil des clients, etc. Bien sûr. On n'hésite pas à prendre le temps, en fait, de discuter avec les gens. Et on a beaucoup de gens qui passent juste pour nous voir. D'accord, voilà. Juste prendre des nouvelles. Pour dire bonjour, prendre un café, discuter. En plus, ça, c'est un désavantage de notre métier, justement. En plus, il y a le café qu'on vient vous voir. Exactement. Et donc, du coup, est-ce que quand vous vous levez le matin, par exemple, pour aller au travail, vous vous dites « je vais au travail » ou pas du tout? Non, pas du tout. Moi, je dis toujours « je vais au boulot comme je vais à Disneyland ». D'accord. Bah, pourquoi pas? Bon, il y a quand même des nuits où on stresse un petit peu parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas au niveau des délais des livraisons, de ce genre de choses. Et des fois, c'est un petit peu pénible, mais d'un point de vue ambiance, j'allais dire non. Alors là. Oui, voilà. Puis on essaie toujours d'arranger les problèmes dans le calme. Et ça, pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Mmh. On est rarement tombé sur des clients récalcitrants. Voilà quoi. Donc, avant de poursuivre cette émission, je vous propose de nous lancer directement dans une première fréquence musicale que vous avez choisie plus ou moins. Vous m'avez donné le nom du groupe, vous m'avez dit « choisissez le titre tant que ça bouge ». Donc, j'ai choisi le titre tant que ça bouge. Donc, on va écouter Coldplay, le célèbre groupe Coldplay, avec un titre que j'apprécie, voilà, « Adventure of a Lifetime », voilà mon accent anglais toujours, hein, que l'on pourrait traduire en français par « Aventure d'une vie », voilà, pour donner les quelques références, comme j'aime bien le faire, et je sais que nos auditrices et auditeurs apprécient également quand je le fais. Ce morceau est plutôt typé pop-rock, c'est du Coldplay, avec une pointe de disco. C'est un morceau sorti en 2015. Je me souviens, quand il est sorti, j'étais encore en études. Voilà, ça ne me rajeunit pas tout ça. Et il est issu de l'album A Head Full of Dreams, que l'on pourrait traduire en français par Une tête pleine de rêves. Album sorti le vendredi 4 décembre 2015. Il s'agit d'ailleurs du 7e album studio du groupe. Et pour la petite info complémentaire, ce titre a été nommé dans 3 catégories en 2016. Le MTV Video Music Award de la meilleure vidéo rock, le Much Music Video Award for iHeart Radio International Duo of Group of the Year, et enfin pour le NME, je ne sais pas ce que c'est, Award du meilleur morceau. Voilà, donc on écoute Coldplay avec Adventures of a Lifetime, et on se retrouve juste après. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. We are legends. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous nous écoutez toujours sur le 107 FM localement ou sur notre site internet ou sur notre application Orange Radio partout en France. Vous venez d'écouter Coldplay avec le morceau intitulé Adventures of a Lifetime et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux à Saint-Étienne-les-Remiremont de Aurélie et de Nathalie de Illico Perso qui sont là pour nous parler de leur entreprise, de graphisme, de tout ce qu'elles font en fait. Voilà. Ça va toujours ? Ça va toujours. Ça va toujours. Parfait. Donc, du coup, j'aime beaucoup poser cette question après une pause musicale et nos auditrices et auditeurs le savent. Bien que vous n'ayez pas choisi le morceau, pourquoi le groupe Coldplay ? Alors déjà, c'est un groupe qu'on apprécie énormément. Et puis en plus, on est allé au concert tous les trois en séminaire à Lyon. D'accord. En 2016. D'accord. La tournée 2016, The Head Full of Dreams. Ah bah voilà, donc du coup, si je comprends bien, du coup, ce n'est avec Romain, donc vous trois, ce n'est pas seulement un trio au travail, c'est un trio en dehors aussi. Tout à fait, oui. Voilà. Bah, ça crée des liens, ça fait quand même, ça va faire 10 ans qu'on travaille ensemble. Oui. Il n'y a jamais eu de clash. Après, d'accord. Bon, c'est sûr que tout le monde fait des concessions, c'est normal, mais... Je pense qu'on s'en sort plutôt pas mal. Quoi. Oui, on est assez complémentaires. En fait. Ouais, c'est ça. Un vieux trouble. Okay. Donc nous allons reprendre du coup le cours de cette émission, de toute l'existence de Illico Perso, donc ça fait quelques années maintenant. Il me semble que les locaux n'ont pas toujours été au même endroit, toujours à la Bresse, mais dans un autre coin. On a déménagé 5 fois, si on veut. D'accord. Nous, on a démarré donc en 2007 dans 4 mètres carrés. D'accord. Avec une brodeuse. C'était dans notre habitation principale. Après, on avait aménagé notre grenier en atelier. Et rapidement, un local s'est construit sur le centre, enfin, près du centre-ville de la Bresse. Donc, on a eu l'opportunité de s'installer. Et c'est là qu'Aurélie nous a rejoints. Mais au bout d'un an, en fait, ça s'est avéré déjà beaucoup trop petit. Je fais beaucoup de bazar. D'accord. Et donc, quand on s'est associé, il y a un nouveau local qui s'est libéré au centre-ville de la Bresse, où on s'est installé pendant 9 ans. Et là, ça fait 2 ans, en fait, qu'on a racheté un local dans la même rue. D'accord. Mais qui est beaucoup plus pratique pour nous, pour l'activité. Et puis, justement, sur votre site internet, vous avez mis des photos du local également quand on vous voit travailler. C'est vrai que c'est très chaleureux comme endroit. Oui, on est sur un plateau de 300 mètres carrés, on est entouré de bois. Et puis bon, non, on est dans notre petit cocon, on est, voilà, chacun sa place. Non, on est bien. Entouré de grosses imprimantes aussi. Oui, aussi, oui, qui émettent aussi de la chaleur. Donc. Ah ben voilà. Voilà. Et du coup, je crois savoir du coup, que désormais, vous travaillez avec des machines du coup, à la pointe de la technologie actuelle. Oui, du coup, en termes de textile, déjà, on a des imprimantes à encre à l'eau. On travaille beaucoup avec des encres écologiques. Et ensuite, on a aussi des imprimantes à plat qui sont des encres latex à base aqueuse aussi. Donc, on essaye en fait d'aller dans cette direction-là, de se diriger un peu plus du côté écologique. Voilà, donc. Et du coup, c'est pas trop compliqué de vous familiariser avec toutes les nouvelles machines qui arrivent ? Non, parce qu'au final, à chaque fois, on est formé. Ok. Donc, ça, on est obligé, on est formé sur le tas. Non, on n'a pas le choix, donc ça se fait tout seul, finalement. D'accord, à force de pratique. Voilà, c'est la pratique, hein, y a que ça, de toute façon. D'accord. Ouais. Et justement, également, vous parlez, enfin, je sais pas si vous en avez parlé, mais du coup, c'est peut-être, j'ai marqué comme ça dans ma trame, donc voilà. De l'encre latex. Oui, alors par contre là, ça serait Romain qui pourrait vous répondre. C'est une base d'encre en fait. Avant, on avait des encres à solvant. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, l'encre se déposait et se fixait grâce au solvant. Là, on n'a plus de solvant et c'est grâce à la chauffe que ça imprime et que ça reste en fait. En plus, il y a déjà un anti-UV, un anti-abrasif à l'intérieur. Donc, c'est assez complet et ça fait des super impressions. On fait beaucoup maintenant de déco, des tirages photos pour des expos, etc. Donc, non, on est satisfait de tout ça, quoi. Et on essaye toujours d'être à l'affût de tout ce qui sort parce qu'on est très vite dépassé, en fait. Ça, c'est tout le temps. C'est toujours dans l'innovation et voilà. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà sollicité, par exemple, pour faire, je sais pas, faire du papier peint dans une maison ? Oui, bien sûr. Ah, vous faites ça aussi, du coup. Ouais, ouais, bah, je ne sais pas si on a le droit de citer, mais on a fait la boulangerie Pinault à la Bresse. Voilà, il a tout un mur, c'est une photo d'un photographe local, Michel Laurent. Eh oui. Et voilà, donc non, puis on travaille pour des photographes, voilà, de plus en plus, on aime ça, en fait. D'accord, ouais. Michel Laurent, d'ailleurs, que j'ai déjà reçu dans une émission il y a quelques temps maintenant, voilà. Comme quoi, le monde est petit. Oui. Et du coup, si vous devriez donner un slogan pour Illico Presto, non, pour Illico Perso, qu'est-ce que ce serait ? Ah, Nathalie, t'es bonne pour faire des slogans. Par rapport au travail ou par rapport à l'ambiance ? Autant dire les deux. On va dire les deux. Ouais, pourtant, on en sort tous ouais, les jours. Ouais, on en sort tout le temps, mais... Voilà, tout de suite maintenant... On pourra revenir sur le... Pas de souci. Ok. Et du coup, pareil, sur votre site internet, j'ai vu quelques données chiffrées qui me paraissent, ma foi, intéressantes à citer. Donc, il paraît que dans la journée, Aurélie, vous souriez pendant à peu près 95% du temps. Faux. Non, c'est vrai. Non, ouais, c'est un talk, je pense. Il faut être souriant, c'est bien. Que Romain, que l'on salue une nouvelle fois, déroule plus de 4000 mètres de fil par an. Quand même, ça fait un certain nombre. 4000, je pense qu'on est loin du compte même. Ça doit être beaucoup plus. D'accord. Ouais. Ok. Et que vous, Nathalie, vous faites à peu près 323 allers-retours par jour entre le bureau, entre votre bureau et l'atelier. Oui, ça doit être à peu près ça, ouais. C'est bien, ça entretient. Bah oui. Et donc, du coup, vous qui êtes du coup dans les... qui fait le côté administratif, est-ce que vous passez plus de temps dans votre bureau ou à l'atelier, justement ? Alors, l'idée, c'est que je passe de plus en plus de temps dans mon bureau. D'accord. Parce que bah, il faut... le nerf de la guerre, c'est la facturation, mais aussi les devis, ça prend beaucoup de temps. Et j'essaye de me consacrer le moins de temps possible à la production. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a aussi pris une personne supplémentaire dans l'équipe. Mais bon, quand il y a besoin, je le fais. Mais c'est vrai que ce qu'on appelle le back-office, c'est très important. Eh oui, l'envers du décor, plus ou moins, voilà, ce qui se passe derrière. Mmh. Et donc, du coup, pour faire ce que vous faites aujourd'hui, est-ce que vous avez fait, par exemple, vous, Nathalie, des études dans l'administration et vous, Aurélie, des études dans le graphisme ou pas du tout ? Enfin, moi, j'ai fait une école de design axée sur la mode. Bon, ça, je pense que ça ne m'aurait pas servi beaucoup plus que maintenant. Après, j'ai fait un peu les beaux-arts dans tout ce qui était imprimé textile. Et après, j'avoue que je suis tombée sur Illico Perso par hasard, entre guillemets, parce que je cherchais plus à redevenir commerciale ou ce genre de choses. D'accord. Donc, c'était un super hasard. Mais après, je n'ai pas vraiment fait de formation pour faire ce métier-là. D'accord. J'ai appris sur le tas. Voilà, et je fais ce que j'aime, en fait, finalement. C'est bien ça, de faire ce qu'on aime. Et du coup, vous n'avez des études administratives, peut-être ? Oui, oui, j'ai un bac secrétariat. D'accord. Et puis, ben, on a aussi de l'expérience en accueil clientèle. J'ai mes parents qui avaient un commerce, donc le contact avec le client, c'est toujours quelque chose qui me convient. D'accord. Ok. Est-ce que vous travaillez avec des partenaires ? D'autres entreprises ou... Ça dépend, qu'est-ce que vous entendez par partenaire ? Oui, c'est vrai que je n'ai pas précisé dans ma trame non plus. Par exemple, des entreprises qui vous sollicitent souvent pour faire leur création ou... Oui, de la sous-traitance en fait. Oui, voilà. Oui, on a quelques clients assez récurrents pour qui on fait de la sous-traitance. D'accord. Après, okay. Des partenaires, bah oui, on a des partenaires comme Michel Laurent, mm-hmm. des photographes qui nous font travailler énormément sur les tirages photos. D'accord. Et puis même au niveau textile, on a deux clients qui se sont lancés dans leur marque de prêt-à-porter, pour qui on fait les marquages. Oui. Et c'est des marques qui commencent à faire leur place au niveau vosgien en plus. Donc et c'est oui. super intéressant, parce qu'il y a la proximité qui leur convient, et puis nous aussi la disponibilité, la réactivité. D'accord. Si vous deviez citer trois caractéristiques, de Illico Perso, qu'est-ce que ce serait ? Alors, dans l'idéal, rapidité, qualité, efficacité. Voilà, bon. Ça vous convient, Nathalie ? Oui, c'est parfait. Oui. Et donc, nous avons dit un peu plus tôt dans cette émission que vous n'êtes pas qu'une agence de publicité et que vous ne faites pas que de l'impression. Vous faites également de la création d'identité visuelle, c'est tout ce qui est logo, image de marque, slogan, graphisme, etc. Vous faites de la création, de l'impression et de la pose de vinyle sur véhicule. Le vinyle, je connais les disques vinyle, mais ça m'étonnerait que ce soit ça. Non. Qu'est-ce que c'est le vinyle sur véhicule ? C'est de l'autocollant, en fait. D'accord. C'est de l'autocollant, voilà, c'est... Après, c'est ce qu'on appelle du flocage. Le flocage, ça englobe ce qu'on colle sur les vêtements, et ce qu'on colle sur une voiture, ce qu'on colle sur des vitrages, etc. D'accord, ok. Vous faites également de l'impression digitale textile, des impressions support à plat, de la broderie, du marquage textile, objet à chaud, et même de l'événementiel. Donc pour faire court à Illico Perso, vous êtes multicasquette. Voilà, donc pourquoi cette volonté de vous ouvrir sur différents domaines plutôt que de ne vous concentrer que sur quelques-uns ? C'est par rapport à la demande, finalement. Oui, c'est la demande, en fait, qui crée le... Ouais. Qui crée le besoin, en fait. On travaille, nous, énormément avec des artisans. D'accord. Nous, notre créneau, c'est plutôt les artisans, les petites entreprises, associations et collectivités locales. Et donc, on ne travaille pas sur des gros volumes. Mmh. Et souvent, un artisan, quand il vient vous voir, lui, le maçon, sa carte de visite, son textile, son logo, à la limite, bon, il sait un petit peu ce qu'il veut, mais c'est pas le gars qui va créer, qui va chercher sur Internet à trouver le truc le moins cher. Enfin, bon, ce qu'il veut, lui, c'est quelque chose de clé en main. Il veut un package. Voilà. Donc, on lui propose ses cartes de visite, ses tenues de travail, le flocage de son véhicule, sa banderole publicitaire. Et tout le monde est content. Et ce client, peut-être, va nous demander, tiens, vous ne pouvez pas m'avoir des stylos ou... des cadeaux d'entreprise. Donc, en général, on a quand même un large panel de fournisseurs dans tout ce qui est goodies, mais on va toujours essayer de chercher aussi à travailler avec des nouveaux fournisseurs. Donc voilà, ça élargit, et souvent on l'utilise pour plusieurs clients. Et justement, dans vos corps de métier, est-ce que c'est important pour vous de vous renouveler presque sans cesse? Oui, c'est un besoin même, je dirais, parce qu'il faut évoluer, sinon on s'ennuie, quoi. Il faut toujours proposer des nouveautés. On a toujours évolué, en fait. On a toujours trouvé des nouvelles techniques et des nouvelles machines pour pouvoir justement proposer autre chose. On a un super salon, normalement, tous les ans au mois de février à Lyon. D'accord. Où on retrouve tous nos fournisseurs, que ce soit de textiles ou de machines. Et c'est là qu'on va découvrir un petit peu tout ce qui se fait, les nouveautés. Donc ça peut être la même technicité, mais avec... on cherche presque plus la qualité à la quantité, en fait. C'est-à-dire qu'on va évoluer en termes de qualité, mais on ne veut pas forcément avoir 15 machines de plus. Parce qu'on ne veut pas non plus être à 10 pour travailler. Nous, là, on est bien avec Sophie qui nous a rejoint. On ne veut pas... On ne cherche pas à grandir énormément, quoi. Et puis dans une petite équipe, peut-être que les liens du coup se créent peut-être plus facilement. Tout à fait. C'est plus facile à gérer. On n'a pas forcément les épaules en plus. Pour gérer une grosse équipe. On n'est pas des chefs d'entreprise modèles, je dirais, en termes de. D'accord. Et quand il y a une petite équipe, c'est peut-être aussi plus agréable d'aller à Disneyland plutôt que. C'est ça. Et du coup, en début d'émission, vous avez présenté du coup vos rôles respectifs chez Illico Perso. Donc, on va peut-être les rappeler. Du coup, Nathalie, vous vous occupez du service client et de la comptabilité. Aurélie, vous êtes en charge de la création et de l'impression. Et Romain, lui, qui n'est pas là aujourd'hui, mais que l'on salue une nouvelle fois, est le spécialiste broderie, on va dire. Donc, ces différents rôles, ils sont vraiment complémentaires, on le voit. Mais comment, ma question va peut-être paraître évidente, mais comment avez-vous décidé qui de vous trois aurait quelle tâche? Ça s'est fait naturellement, je dirais. Et en fonction peut-être de vos compétences précédentes. Moi, j'étais nulle. Je suis nulle en administratif. D'accord. Bon, je sais faire les banalités, bien sûr, calcul de TVA, etc. Nathalie est beaucoup plus ordonnée. Oui, puis il faut pas tout mélanger. Il faut pas qu'on mélange tout, que tout le monde fasse tout, en fait. Qu'on garde chacun nos rôles. Bon, après, rien n'empêche de donner un coup de main quand vraiment il y a un problème, mais c'est vrai qu'en général, on essaie de se tenir à nos postes. D'accord. Et est-ce qu'il y a certains clients, du coup, on parlait tout à l'heure de l'illégalité ou autre, mais qui restent dans la légalité, mais qui vous demandent quelque chose à faire, à qui vous avez dit non, c'est pas possible de faire ça, même si c'est légal, mais est-ce que c'est trop de boulot ou c'est impossible de faire ça? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'émettre des refus? Oui, bien sûr. Oui. On imagine un client qui veut un t-shirt complètement imprimé, d'accord, mais qui n'en veut que 5, par exemple. Donc ça, c'est pas possible, ou alors ça va coûter une fortune. Donc ça, c'est... On essaye de pas non plus perdre trop de temps sur des recherches qui, de toute façon, n'aboutiront pas. D'accord. Donc Mais oui, effectivement, il y a des choses qu'on peut pas faire. Techniquement parlant, et puis après financièrement parlant pour le client. Oui, il y a des gens, ils veulent un autocollant qu'il faut reproduire en plus pour rien. Enfin, c'est pas possible, quoi. Après, on est là aussi, on est aussi une entreprise, on est aussi là pour gagner de l'argent. Bien sûr. Donc, on peut pas. De faire une sélection. N'importe quoi. Voilà. Mais alors, ça nous arrive quand même de faire des choses qui vont pas forcément nous rapporter beaucoup d'argent, mais qui vont nous apporter humainement. D'accord. Donc, voilà. Des fois, on fait des choses parce qu'on a envie, parce que c'est un projet qui nous tient à cœur. Et bon, après, je vous cache pas qu'on est très sollicité hein, dans notre métier pour Bien tout sûr. Ce qui est partenariat, pour ce qui est sponsoring. On peut pas répondre favorablement à tout le monde. On le fait essentiellement à nos clients, c'est sûr. Mais souvent pas sous forme d'argent, mais voilà, sous forme de remise, sous forme de choses comme ça. D'accord, c'est toute une réflexion à faire en amont, du coup. C'est ça. D'accord. Donc, avant de nous intéresser davantage à tout ça, je vous propose de nous lancer directement dans une deuxième fréquence musicale, cette fois-ci que vous avez choisie totalement, et que nous écoutions un autre groupe célèbre, Depeche Mode, avec le morceau intitulé Enjoy the Silence. Toujours au niveau de quelques références, ce morceau est plutôt typé rock. À nouveau, il est sorti en 1990 et il est tiré de l'album Violator, voilà, du groupe, album sorti le 19 mars 1990. Il s'agit du 7e album studio du groupe, voilà. Donc du coup, on écoute Enjoy the Silence de Depeche Mode et on se retrouve juste après. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. Silence, break the silence. Et vous êtes de retour sur Radio Gamozo 107FM. Vous venez d'écouter Dépêche Mode avec leur morceau intitulé Enjoy the Silence. Et vous nous écoutez sur notre site internet https://radiogamozo.radio-website.com/partout-en-France et peut-être même dans les pays frontaliers car on nous écoute en Belgique, en Suisse, en Allemagne et puis même au Québec malgré le décalage horaire grâce à notre site internet et à nos applications. Et voilà, et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux à Saint-Étienne, les rues Miremont, de Aurélie et de Nathalie de Illico Perso qui sont là pour nous parler de tout ça. Voilà, est-ce que vous passez un bon moment en notre compagnie? Oui, très bien. Parfait. Donc même question que pour la première fréquence musicale, pourquoi ce morceau des Dépêche Mode? C'est Nathalie ça. Oui, alors moi je suis assez fan de Dépêche Mode, effectivement. D'accord. C'est vrai que c'est un morceau que j'affectionne particulièrement. C'est un de mes préférés du groupe. Et puis ouais, je trouve qu'il est... Intemporel. Ouais, intemporel et ouais, ça passe bien. C'est vrai. Mm. Et Dépêche Mode, on en passe pas beaucoup à Radio Gamozo, donc ça fait du bien. Comme du Coldplay d'ailleurs. Et comme la troisième pause musicale qui arrivera un peu plus tard, mais je ne vais pas, là, si, on ne va pas la dire, on va laisser le suspense un petit peu. Voilà. Et donc, on va reprendre cette émission. Donc, du coup, ça, la question là, j'ai déjà posé. Quelles sont les qualités, disons, primordiales pour pratiquer vos différents métiers, selon vous? Il faut être un peu barré quand même. Ouais, je pense. Non, il faut avoir de l'imagination. D'accord. Faut être quand même réactif parce que quand le client franchit la porte, il va nous dire quelques mots sur son activité. Il va falloir tout de suite se projeter en fait sur ce qu'il va vouloir pour essayer de tomber pile poil dans ce qu'il veut. Et après, c'est à celui qui sera le plus innovant, le plus créatif. Et le moins cher, parce qu'il y a quand même de la concurrence. Eh oui. Donc, ouais, c'est un tout, en fait. Hein. Et puis, bon, c'est vrai que on a beaucoup de retours de gens qui, quand ils viennent chez nous, ils se sentent écoutés. D'accord. Voilà. Donc, et ça, c'est pour nous, c'est hyper important. Les clients, on les écoute. Et du coup, c'est vrai qu'on s'adapte au plus proche de ce qu'ils veulent. Ouais. Est-ce qu'une cliente ou un client est déjà venu vous voir pour vous dire « Alors, je ne veux rien, mais je veux juste discuter avec vous ». Oh non, mais on le sait, quoi. Alors, il y a des curieux qui rentrent. Oui, il y a beaucoup de curieux qui rentrent pour voir les machines. Mm-hmm. Voilà, donc c'est vrai que ce n'est pas forcément des gens qui, derrière, vont devenir des clients. Mais voilà, si on peut prendre le temps de leur expliquer un petit peu notre activité, on le fait. D'accord. Est-ce que ça vous arrive d'organiser peut-être des visites de l'atelier ou pas? Alors, non, parce que c'est compliqué. C'est quand même des machines qui chauffent à 200 degrés, ah oui, au niveau des presses, des choses comme ça. D'accord. Il y a des machines qui coupent. Mm-hmm. Donc, au niveau sécurité, c'est un peu compliqué. Mm-hmm. Et puis, bon, y a quand même des gens qui viennent avec des enfants. Ouais. Et dans un atelier, c'est pas forcément gérable. Mm-hmm. Parce on le faisait avant, mais c'est vrai qu'en plus... on était tout le temps coupé en fait dans notre production et ça devenait compliqué parce qu'on n'avançait pas. Et à un moment donné, quand les délais se rétrécissent, on n'a pas eu le choix que de barrer un peu l'entrée. Alors les gens voient, mais sont un peu bloqués par l'accueil, quoi. Ouais, ce sont peut-être les aléas du métier, certains aléas. Oui, oui. Bon, après voilà, on a eu un temps où on participait. Alors, on le fait aussi dès qu'on peut, avec la municipalité, sur les marchés de Noël, des choses comme ça, où on pouvait proposer des animations pour les enfants. Mais à l'époque, on le faisait dans nos locaux. Maintenant, c'est plus possible, quoi. Oui, parce qu'en plus, les enfants, ça a tendance à vouloir toucher un petit peu à tout. Et donc, celui qui dérègle et tout, c'est pas forcément évident. Du coup, combien de temps cela vous prend-il pour réaliser une création? J'imagine que ça dépend du travail réalisé. Ça dépend du travail, ça dépend de ce que veut le client, ça dépend du budget du client. Il y en a, il faut tout créer, il y en a d'autres, ils ont déjà une trame, il faut retoucher. Donc ça. Après, il y a des clients qui sont très exigeants, il y en a d'autres qui vont dire oui tout de suite. C'est un équilibre, en fait. Voilà, il y en a c'est très dur à arriver à un résultat satisfaisant. Et après, j'essaie toujours que ça me plaise déjà à moi avant d'envoyer quoi que ce soit. D'accord. Vous arrivez à mettre de côté du coup votre œil professionnel pour être œil du coup comme si vous voyez ça sur une devanture de magasin ou autre. Ah oui, il faut toujours se projeter parce que après ça peut très bien être imprimé à plat sur une feuille papier, ça peut très bien se retrouver sur une camionnette ou un t-shirt. Donc il faut toujours se projeter par rapport aussi à ce qu'on peut faire. Mm-hmm. Parce qu'on peut pas, on peut malheureusement pas non plus tout faire. Oui, bah, c'est sûr que c'est, j'imagine bien. Et du coup, quels sont quelques-uns des retours qu'on vous a déjà faits? C'est-à-dire en positif, en négatif? Bah, j'imagine qu'il y a un peu des deux. Il y a un peu de tout, oui, bien sûr, mais après, on peut pas te plaire à tout le monde. Hein. Non. Bon, on va dire du côté positif, c'est bien la positivité. Ouais, on n'est pas parfait non plus. Hein, bien sûr. On reconnaît nos erreurs, mais on essaye toujours de les corriger. Voilà. Et c'est vrai que, oui, bah, les clients, la satisfaction du client, c'est quand même... c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Enfin, ouais, et puis quand il revient... Voilà, ils nous envoient du monde, ils reviennent. Mmh. Et ça, c'est la meilleure publicité. Le bouche à oreille, en fait, on est une agence de communication, mais on fait pas de publicité. Ah, d'accord. On n'a pas besoin d'aller chercher du travail pour l'instant. Enfin, je croise les doigts, mais voilà, notre volume de travail nous suffit juste avec les gens qui viennent nous voir. D'accord. Et donc, du coup, le volume de personnes qui viennent vous voir, c'est un volume assez conséquent, j'imagine. J'allais dire que c'est des gens qui reviennent régulièrement. D'accord. Donc, on a quand même beaucoup de clients. Des gens qui... Oui, on a... C'est pas forcément des grosses commandes, mais c'est récurrent. Mmh. Pour certains, pour beaucoup, c'est récurrent. Et la chance qu'on a, nous, c'est qu'on a, on a un énorme fichier clientèle. D'accord. Donc, c'est des clients, des petits clients. Mais le jour où on en a un qui arrête son activité ou qui part, enfin bon, voilà, ça, on le ressent pas sur notre chiffre d'affaires. D'accord. C'est notre chance et c'est pour ça qu'on veut continuer à travailler comme ça. Parce qu'on a bien vu avec le Covid, les gens qui font la même chose que nous, mais sur du volume, qui travaillaient uniquement avec de l'événementiel, là, ils ont été très mal. Nous, voilà, on a été un petit peu impactés, mais moi, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal. Quoi. Voilà. D'accord. Et j'avais une question que je viens d'oublier à l'instant. Si ça me revient, je la poserai. Et donc, est-ce que vous avez... prévu de vous développer, pas forcément au niveau du personnel, mais sur d'autres choses encore plus à l'avenir? Ouais, on aimerait beaucoup sur la décoration intérieure. D'accord. Bah, déjà, c'est un peu l'avenir, mais il existe de plus en plus de supports, comme les papiers peints, comme les supports muraux. Maintenant, il existe des choses avec des paillettes, des imitations bois, des imitations... enfin, tout ce qu'on peut imaginer, en fait. Donc, c'est tellement vaste. Ouais, pourquoi pas se développer là-dessus dans le professionnel. Refaire la déco d'un hôtel. Ça peut être sympa. Mmh. Et disons, votre objectif ultime, qu'est-ce que ce serait de, je sais pas, de décorer quel... Est-ce que c'est un bâtiment ou... L'Arc de Triomphe. Ah. Et pourquoi pas? Non, c'est vraiment... Voilà, Nathalie parlait de petits clients. Je trouve que petits clients, c'est pas petits clients, mais c'est... on aime bien nos petits clients, quoi. Parce que c'est le rapport humain. Mm-hmm. On n'est pas forcément à l'aise avec des gros chefs d'entreprise. Voilà, c'est... C'est pas le même monde, c'est pas le même milieu, c'est pas notre cam. D'accord. Bah, on le fait, hein, attention. Oui, on le fait, bien sûr. On va pas cracher sur un client. Mais voilà, c'est ça, c'est pas... Puis bon, peut-être qu'on convient pas non plus, hein. Je veux dire, notre organisation, elle est peut-être pas assez structurée pour ce genre de client non plus. Et du coup, est-ce que vous avez, un petit truc à vous, que vos clients, qu'on peut reconnaître directement quand on voit une de vos créations, dire « Ah, ça, c'est illico perso ». Ah, je ne sais pas si on a la tête dans le guidon, je ne vais pas non, à dire. Là, peut-être pas les mieux placés pour le dire, mais... Ah, c'est quand même original. Non, parce que c'est vrai que si c'est le visuel du client, on ne peut pas savoir que c'est nous. D'accord. Et puis nous, on a un gros problème, c'est qu'on ne met jamais notre nom nulle part. Ah, c'est vrai. Hein. On travaille dans l'ombre. Ouais. les travailleurs de l'ombre, parfois, ils jouent un énorme rôle dans les travailleurs, on va dire, de la lumière, dans les travaux de la lumière. Et j'ai retrouvé ma question, du coup, précédente. Pareil, la fourchette au niveau des prix, ça dépend de la création réalisée aussi, je suppose. Oui. Bien sûr, oui. Mm. Oui, ça peut aller de 20 euros à 1000 euros, quoi. Enfin, ça dépend. C'est pour ça qu'on aime bien quand le client a un budget, on peut s'adapter. Facilement, Par exemple, si vous dites qu'est-ce que vous pouvez me faire, je sais pas, pour 400 euros, vous sauriez faire à peu près. Bien sûr. Ok, d'accord. Du coup, le papier peint, on en a parlé. Du coup, nous l'avons déjà dit, mais nous pouvons le rappeler car c'est important d'insister sur certains points. J'allais dire important justement, mais ça aurait fait répétition. Donc, les créations que vous faites sont du coup personnalisées, écologiques et locales. Oui, locales, bien sûr. Ouais. C'est important ces côtés pour vous. Oui, ben après, local, Je pense que les gens reviennent un peu à ça. Ils ont besoin du contact. Ils viennent. Oui, bah, c'est vrai qu'on a le service après-vente. Quand le client, quand il y a un défaut ou un problème sur un produit, ça vous nous trouver. Il n'y a pas de souci, quoi. D'accord. Mais... Et pourtant, il y a de la concurrence sur Internet. Hein, oui, il y a la concurrence sur Internet, mais en général... Non. En général, les gens reviennent quand même. Oui. On a déjà eu des cas de clients qui nous disaient on était sur en concurrence avec ou Internet ou d'autres agences du coin. Et ils nous disaient, bah oui, mais chez lui, j'ai la même chose pour, je sais pas, pour 1 euro de moins sur un t-shirt ou des choses comme ça. Ils me disaient, vous ne pouvez pas vous aligner. Je disais, écoutez, je suis désolée, mais le temps que je vais passer à faire votre t-shirt à 1 euro de moins, c'est du temps que je ne vais pas passer à travailler au juste prix. D'accord. Et je pense que ça l'a fait un petit peu réfléchir. Et du coup, bah, il est quand même passé par nous. D'accord. Et ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble. Ah bah. Voilà. On essaye d'être toujours au juste prix. Quand les gens me disent, m'appellent et me disent, vous nous faites un prix. Je dis non, je vous fais le prix. Voilà. Après, vous avez des clients qui vous font faire des devis à rallonge. Alors, on s'adapte forcément. Si vous faites un devis sur 500 pièces... Hein, que ce soit même des produits différents, et qu'au bout du compte, le client vous prend que 50 pièces, bah, on va peut-être revoir le devis. Oui, bah oui. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc, et ça, c'est... Bon, après, en général, les gens le comprennent bien. Mm-hmm. Mais il faut s'adapter à tout ça. Bien sûr, la capacité d'adaptation. Voilà. Donc, nous sommes à 48 minutes d'émission, déjà. Donc, nous arrivons déjà bientôt à la fin de cette émission. Mais avant de conclure, je vous propose de nous lancer directement dans la troisième et dernière fréquence musicale que vous avez choisie à nouveau et que nous écoutions un autre groupe célèbre français, cette fois Indochine, avec le titre « La vie est belle ». À nouveau, au niveau des quelques références, c'est un morceau typé rock, forcément, avec Indochine, on les connaît depuis le temps. C'est un morceau sorti en 2017 et c'est un titre tiré de l'album 13, tout simplement, du groupe album sorti le vendredi 8 septembre 2017. Il s'agit du 13e album studio du groupe. Et pour la petite info complémentaire, car j'aime faire des infos complémentaires, ce morceau a été nommé dans la catégorie du Energy Music Award du clip de l'année en 2017, mais le prix a été remporté par Ed Sheeran et son célèbre morceau Shape of You. Voilà, quoi qu'il en soit, on écoute La vie est belle de Indochine et on se retrouve juste après pour la suite et déjà à la fin de cette émission. Donc à tout de suite sur Radio Game Ozo après Indochine et du coup leur morceau La vie est belle. Et c'est ce qu'on appelle un blanc, comme à chaque fois, quasiment, dans Fréquencier. Mais bon, vous êtes habitués, ça, c'est ma petite marque de fabrique, on va dire. Voilà. Donc, du coup, c'était La vie est belle d'Indochine sur Radio Gémozo. Vous êtes de retour, comme je viens de le dire. Vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur notre site https://radiogémozo.radio-website.com/ et sur notre application Orange Radio partout en France. Et comme je le disais, peut-être même dans les pays frontaliers. Et nous sommes toujours en compagnie pendant encore... un peu moins de 5 minutes, de Aurélie et de Nathalie de Illico Perso à la Bresse, qui sont là pour nous parler de tout ça. Voilà, tout va toujours bien ? Très bien, toujours bien. Parfait. Du coup, même question que pour les deux précédentes fréquences musicales, vous êtes habitués désormais. Pourquoi ce morceau ? Pareil, c'est... On est allé au concert. Oui, on est allé les voir en concert. Et moi, je détestais Indochine. D'accord. Et depuis quelques années, j'adore leur musique, ouais. Mmh. Oui. Ils ont su quand même... C'est un groupe qui a su rebondir, mmh. s'adapter. Mmh. Et puis, alors tout à l'heure, on parlait d'intemporel pour Dépêche Mode. Oui. Là, Indochine, on est plutôt dans l'intergénérationnel. Ouais. Mmh. Donc moi, j'ai mes enfants, enfin mes filles, qui adorent Indochine. Eh oui. Mon père aime Indochine, j'aime Indochine. Mes filles aiment Indochine. Ouais, c'est un... Voilà. Que là, je suis en train de regarder, ça a été créé, ça a été fondé du coup par Nicolas Sirkis en 1981. Ouais. Voilà, donc ça remonte à quelques années maintenant. Ça. Et du coup, quand j'en discute avec mes parents également, ou mes frères, enfin avec ma famille, avec de Indochine, la voix de Nicolas Sirkis, il a beau prendre de l'âge, mais sa voix ne vieillit pas. On a l'impression qu'il est. Lui non plus, hein. Oui. Oui, c'est vrai aussi. Donc du coup, on arrive bientôt à la fin de cette émission, mais du coup, il me semble que vous avez développé une marque. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Et bon, en fait, c'est une marque qui s'appelle Résine. En fait, on voulait absolument développer une marque vosgienne, montagnarde, en fait, qui respire un peu nos montagnes. Mmh. Et en fait, on a des vêtements, on a des petits objets déco. En fait, on s'inspire de tout ce qui est un peu baroudage, le vélo, le camping, le VTT de descente, toutes les activités en fait qu'on peut faire en montagne et puis qui sont un peu tendance. Esprit mmh. montagne, un peu classe, décontracté. D'accord. Et oui, avec, avec des petits visuels sympas ou très simples, mmh. voilà. mais qui parlent au plus grand nombre également. D'accord. Notre clientèle, ouais, on a de l'adolescent, on a de la personne de 70 ans. Mais d'accord. c'est des vêtements qui peuvent s'adapter à tous les âges. Intergénérationnel comme Indochine, voilà, du coup. Ça. Voilà, c'est ça. D'accord. Et du coup, cette marque, vous me l'avez dit, Nathalie, pendant cette pause musicale, vous l'avez du coup créée avec Romain. Oui, donc il y a Romain, donc oui. l'époux de Nathalie. Mm-hmm. Il y a Baptiste, mon conjoint. D'accord. Et puis un couple d'amis aussi qui... En fait, ce qui nous relie, c'est l'amour de la montagne, l'amour des Vosges. Voilà, et cette envie, en fait, de créer de créer des motifs. En fait, on avait tout pour faire. Hein. On fait le marquage. Bien sûr. Voilà, après, si un jour, on arrive à trouver des produits totalement locaux en termes de textile, ça serait top. C'est assez compliqué. C'est vrai. On en a, mais ça reste du coton d'import, etc. Bon, après, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas gérer. Donc, Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Voilà. On reste sur des basiques, hein, sur du t-shirt, on peut trouver, mais sur des produits un petit peu... un peu plus originaux, c'est compliqué. Mmh. Mais l'idée, c'était aussi de pouvoir travailler avec des artisans, que ce soit métier de bouche ou artisans de produits... produits locaux, oui. Ouais, produits locaux ou artisanaux. Et pouvoir créer une identité résine autour de plein de choses. Voilà, c'est d'accord. Ça. Donc, nos associés qui sont producteurs de vins de fruits sur la Bresse... là, l'idée, c'était aussi de travailler avec lui sur un apéritif résine. Mmh. Et puis travailler avec... Il y en a quand même... On a aussi pas mal de brasseurs aussi dans le secteur. On voulait créer une bière résine. Enfin, voilà. Des charcuteries. Enfin, il y a plein d'idées. D'accord. Voilà, on arrive du coup à la fin de cette émission. Nous sommes bientôt à une heure d'émission. Est-ce que vous avez un dernier mot avant qu'on se quitte? Ben merci, oui, merci pour l'invitation. Ouais. Avec plaisir. C'était très sympathique. Voilà. Ben avec très plaisir, intéressant. C'est vrai. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Donc là, c'est du coup à mon tour de vous remercier Aurélie et Nathalie d'avoir accepté du coup mon invitation. Cette émission sera rediffusée demain, mardi, à 18h, avec le podcast de cette émission posté sur notre page Facebook et sur notre site internet. Si vous voulez, je pourrais même, pourquoi pas, vous l'envoyer par mail, si vous voulez la récupérer, la partager, etc. En attendant, je vous laisse avec Gérard et Salut les 60 d'ici quelques secondes à 15h. Quant à nous, on se retrouve demain à 14h pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je le recevrai par téléphone et pendant à peu près 30 minutes, ce sera une édition un peu particulière, Simon Rouault du parc de Sainte-Croix, du côté de Rhodes, en Moselle. Voilà. Merci de votre fidélité à Radio Guémozo. Et du coup, je vous dis à demain. Donc, salut et à demain.